une raclette sur mon balcon, mon Facebook entre les mains. Je vois passer cet artiste local qui rêve la nuit de Claire Chazal. Pour se donner une bonne conscience, aimer son ego et sa voix, il faut avoir un petit peu de chance et se faire programmer chez soi. Release party au Trinitaire, pas besoin de passer les frontières. Vaut mieux inviter tous ses potes et leur donner une leçon rock. Release party au Trinitaire, release party au Trinitaire. Rien ne sert de jouer en Bourgogne, Rouen, Bordeaux ou bien Paris. De toute façon, on ne connaît pas et on est tellement mieux ici. J'ai encore joué dans un bar pas loin, c'était chouette, on était 23. Si mes copains me disent que c'est bien, c'est que c'est bien et puis j'y crois. Release party au Trinitaire, pas besoin de passer les frontières. Vaut mieux inviter tous ses potes et leur donner une leçon de rock. Release party au Trinitaire, release party au Trinitaire. Vois passer cet artiste local, son premier EP a fait de lui un homme. J'ai un sourire ému et doucement je me marre. Je retourne écrire mon 39e album et il s'appellera Release Party au Trinitaire. Pas besoin de passer les frontières. Faut mieux inviter tous ses potes et leur donner une leçon de rock. Release party au Trinitaire, release party au Trinitaire. Pas besoin de passer les frontières. Faut mieux inviter tous ses potes et leur donner une leçon de rock. Release party au Trinitaire.